cœur de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Pour ce tout nouveau numéro d'Autour de vous, je suis avec David et Salomé. Bonjour, comment ça va ? Bonjour Laura, ça va bien, merci de nous accueillir à Radio Gémozo. Bah merci à vous d'être venu, puisque j'habite à Éloie depuis 2008. Je voulais mettre les habitants d'Éloie en avant. Et apparemment, vous avez quelqu'un qui joue en vétéran chez nous. Voilà, c'est ça, mais il ne veut pas trop qu'on parle de lui. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle à nos auditeurs ? Eh bien, toi, Salomé, d'abord. Eh bien, moi, c'est Salomé. Je pratique le foot au sein du Football Club d'Éloie depuis 2016. Et au fur et à mesure des années, j'ai décidé de m'engager un peu plus. Et à l'heure actuelle, je suis considérée comme la chargée de com' du Football Club d'Éloie. Donc, je m'occupe de tout ce qui est... affiches, tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, en direct, et je m'occupe aussi de la section féminine, avec d'autres collaborateurs. Et vous jouez à quel poste ? J'ai pas vraiment de poste, je joue au sein de l'équipe 2 du coup du jumelage de l'entente féminine. D'accord. Et après, les postes, ça varie en fonction des absences, des présences, et puis des facilités de chacune. Et vous, David ? Eh ben moi, j'ai joué minime cadet au FCE. J'ai pas laissé un souvenir impérissable au club. Et je suis revenu dernièrement en 2019 en tant que président du club. Et j'habite en face du stade. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'association FC Éloie et de devenir le président ? Parce que ça amène pas mal de responsabilités. Oui, je me suis pas levé un matin en me disant que j'allais devenir président du FCE. Mais c'est une histoire de copains d'enfance. Hein, c'est-à-dire que Raphaël, les Robins, Arnaud Dubois, on se connaît depuis le collège. On est partis en vacances ensemble. Et bah, eux, ils ont toujours été attachés à ce club et moi aussi en tant que spectateur. Et ils sont venus me voir avec un projet en 2019 qui était le projet 2025, et 2025, le club aura 100 ans, ce sera le centenaire du club. Donc on s'est dit, on a 6 ans pour reprendre le club, on s'est dit que c'était à notre génération de prendre la suite, et on a eu l'envie d'avoir un petit peu plus de compétitivité dans le club. Le club allait très bien, et que ce soit financièrement, ou les sponsors, ou les bénévoles, parce qu'on a un gros vivier de bénévoles, on a la chance d'avoir une grande famille Loyat, une grande maison Loyat avec beaucoup de gens qui participent. Et après, on manquait un petit peu de résultats vu l'historique du club, les années, les décennies précédentes. Donc on voulait reprendre ce club et le remonter un petit peu, et on s'est fixé jusqu'à 2025 pour certains objectifs. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler des bénévoles ? Il y en a combien déjà dans l'association ? Alors, il y a 356 licenciés et des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants et des bénévoles. Je sais pas, on est au moins une cinquantaine. Alors, pas toujours tous les week-ends. Hein, chacun donne le temps qu'il veut à l'association. Hein, c'est le but de cette association. Mais on a des gens qui sont très présents et depuis de nombreuses années. Hein, les Martin, les Perrin, les Franzetti, enfin, c'est des familles. Hein, les Nigmanski, les Dubois, les Robin, les Bérard qui sont à côté de moi. Enfin, voilà, c'est des familles qui dédient leur week-end, leur loisir au club. Et on s'amuse bien. Et justement, ils font quoi les bénévoles dans l'association ? Eh ben, il y en a qui sont à l'animation, qui sont au barbecue, qui sont aux frites, qui sont à l'organisation, à l'arbitrage. Il y en a qui s'occupent du sponsoring, des subventions. On a Sidonie qui est trésorière, Sidonie Boulanger, donc aussi une famille du Club d'Éloie qui est très connue avec Vincent Boulanger, son frère. J'ai été son colocataire quand on est étudiant à Nancy, et aujourd'hui on peut dire que c'est la personne la plus capée du club sur sa carrière. Enfin voilà, c'est. Et donc Sidonie, sa petite sœur, est la trésorière. Fabrice Robin, le vice-président et directeur sportif. Stéphane Schorp à l'animation. Manu Lagarde, secrétaire du club et coach. Et Raphaël Fernandez, sponsoring et subvention. Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles et d'adhérents ou pas ? Toujours. Toujours. Il y en a qui ont des vies qui leur permettent plus des fois de continuer, et d'autres qui ont envie de s'engager. Donc oui, on a eu des nouveaux engagements ces derniers temps avec Amandine, les féminines, Marjorie, Didier Lallemand, un ancien du club. Donc oui, on a toujours des gens qui viennent nous rejoindre régulièrement. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre ? Bon, c'est par connaissance. Hein. Après, on fait beaucoup d'animation dans l'année avec le trail du FCE, le bal, le loto, les tournois. Après, c'est aussi beaucoup de parents qui emmènent leurs enfants et qui participent à la vie du club. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler du FCE Éloie. A tout de suite sur Radio Gémozo. Casser les manches comme Samuel, Samuel Mtiti. Casser les manches comme Samuel, Samuel Mtiti. Casser les manches comme Samuel, Samuel Mtiti. Casser les manches comme Samuel, Samuel Mtiti. Et s'il y a drap, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Et s'il y a drap, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Ramenez la coupe à la maison. De retour avec David et Salomé pour vous parler du Football Club des Lois. Vous vouliez dire quelques mots sur vos partenaires et vos sponsors? Oui, ben c'est très important dans la vie d'un club et Raphaël Fernandez s'en préoccupe régulièrement. On a des sponsors historiques comme Thierry, Spiller, les Transports Bonnard, Super U et Ballon. Mais il y a aussi une quarantaine de sponsors en totalité, qui fait des panneaux, qui fait de l'affichage, qui participe à notre calendrier. Voilà. Donc bien sûr, je tiens à les remercier chaleureusement de leur soutien et que grâce à eux, on peut faire beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire que rien que le transport aujourd'hui, on a fait le choix de transporter nos joueurs pour tout déplacement au-delà de 200 km avec les bus Bonnard, ce qui nous garantit un chauffeur professionnel qui emmène nos joueurs et une certaine sécurité qui a un coût, et on remercie l'entreprise parce qu'il nous aide dans cette démarche. Donc c'est voilà des partenariats comme ça. Oui, parce qu'avant c'était chacun prenait sa voiture pour faire les déplacements, donc ça avait un certain coût. Alors avant, on avait des déplacements qui étaient moins grands, mais depuis qu'on est devenu le Grand Est, on a des déplacements qui sont conséquents et au-delà de 200 km. Donc on a fixé une règle, au-delà de 200 km, aller-retour, on fournissait un bus, quoi. L'équipe féminine se déplace en bus, enfin tout le monde, les U19 prennent le bus si jamais le déplacement est grand, quoi. Et c'est quoi le plus loin que vous allez ? Oh ben on va quand même, là, avec l'équipe première, on a des déplacements sur Nancy, mais surtout en Haute-Marne. Haute-Marne. Oui, on a 3 clubs là-bas. Donc oui, ça, c'est des gros déplacements. Des fois, vous passez plus de temps dans le bus que sur le terrain, pour le coup. Ouais, bah, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. Le Grand Est a fait qu'on peut se retrouver avec l'Alsace, avec la Haute-Marne, la Moselle, donc... Voilà. Ils essayent de grouper, mais les déplacements sont compliqués, quoi. Et de plus en plus chers, vu la conjoncture. C'est quoi les couleurs du club ? Bleu et noir, puis 100 ans. D'ailleurs, on a refait un petit peu toute la charte graphique du club avec Salomé et l'ensemble du comité sur un nouvel écusson, un nouveau blason du club, voilà, qui ressort un petit peu plus moderne. De nouveaux équipements... Voilà, on essaye d'organiser au mieux la vie du club pour donner les moyens à nos éducateurs, parce que c'est la priorité du projet, c'est de remettre le joueur au centre des préoccupations et de donner les moyens à nos éducateurs finalement de pouvoir s'exprimer et de dire les bons mots au bord du terrain et surtout ben, d'avoir les moyens de s'occuper de leur équipe. Et d'ailleurs, les résultats aujourd'hui sont plutôt satisfaisants. Alors, j'ai vu sur votre page Facebook qu'il y avait des sacs à dos des lois, mais est-ce qu'on peut en acheter si on n'est pas licencié ou pas ? Oui, bien sûr, tout est en vente. Qui veut acheter l'équipement des lois, hein. Après, nous, c'est une dotation d'équipement pour les licenciés, avec sac à dos, survêtements, voilà. Donc, mais on peut acheter ce qu'on veut, quand on veut, bien sûr, hein, l'écharpe, tout. Combien d'équipes composent le club ? Je vois Salomé qui compte sur ses doigts. Je sais qu'il y en a énormément, déjà rien que pour les jeunes. Oui, ben, en junior, on a... On a 3 équipes de U11, 3 équipes de U13. On a des U6, U7, U8, U9, parce qu'il ne faut pas apprendre le foot en 2 secondes. Donc on les forme dès le plus jeune âge. Et puis on a une équipe de seniors féminine, hein, qui est aujourd'hui est deuxième de son championnat à la trêve, championnat de R2 avec 16 points contre 17 pour le premier. On a une équipe senior masculine, donc l'équipe Fagnon, qui est dixième de R2 avec 7 points et qui a beaucoup de travail à faire pour cette deuxième partie de saison pour jouer le maintien dans cette catégorie, en sachant que c'est une découverte pour nous. Hein. On monte en R2 cette année, on vient de R3, on a été champion de R3 l'année dernière, donc ça a été un grand moment. Aujourd'hui, on apprend dans ce nouveau championnat où, vous l'avez dit, il y a des énormes déplacements. Et un niveau qui est forcément supérieur à ce qu'on a connu. Et la philosophie du club, donc, c'est d'alimenter les équipes seniors avec les équipes juniors. Donc c'est pour ça qu'on mise tout sur nos éducateurs juniors, pour qu'on puisse avoir un vivier de joueurs de 18-19 ans qui alimentent notre équipe première, quoi. Et l'équipe senior B aussi, qui est deuxième de District 2 avec 24 points contre 27 pour le premier, donc qui joue la course aussi à la montée en District 1, et qui ont fait une saison aussi exemplaire l'année dernière, puisqu'ils ont fini champion des Vosges. Donc on a pas mal d'objectifs dans les équipes seniors. Mais les U19 sont deuxième de R2 aussi avec 19 points contre 21 pour le premier, donc ça joue bien. Les U15 sont cinquième d'Interdistrict, les U18 huitième de R3, et après, les équipes de U13, deuxième de district, U13-2, deuxième de D2, et U13-3, quatrième de D3. Donc, voilà, on essaye d'avoir les meilleurs championnats pour nos jeunes. Et ensuite, on essaye d'être exemplaires en équipe première, en équipe Fagnon, pour que ça leur donne envie, quoi. Et je crois que les vétérans aussi sont pas trop mal classés. Ouais, et puis surtout, on a la tête des vétérans, on a Stéphane Schorp, et puis des légendes du club... qui s'amusent bien sur le terrain, en dehors du terrain. C'est vraiment l'âme du club. Hein. Les vétérans, c'est eux qui sont grillades, c'est eux qui sont frites, c'est eux qui vont nous aider à réécrire l'almanach du club sur les 100 ans et son histoire. C'est une bonne bande de copains comme nous on l'est à l'heure actuelle, avec quelques années de plus, quoi. Et Stéphane Schorp est vraiment quelqu'un qu'on peut dire qui est le ciment humain du club, puisque Il est responsable de l'animation, coach des vétérans et il fait un super boulot. Est-ce que vous pouvez nous parler des filles, Salomé ? Parce que je crois qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Eh ben oui, en effet, les filles, ça fait à peu près un an et demi qu'on a un projet en commun avec d'autres clubs, donc le club de Saint-Nabord et de Remiremont-Saint-Étienne. Donc on est trois clubs à former un ensemble, donc qui devrait être effectif la saison prochaine. Donc faut savoir que les filles, pour les intégrer dans le sport, c'est parfois compliqué, et notamment dans le foot qui est encore beaucoup trop masculin à mon goût. Et bah du coup, en fait, si on ne lie pas nos effectifs féminins entre les clubs d'un même bassin, on n'arrivera à pas grand-chose. Donc c'est notre philosophie, c'est ce qu'on a décidé de faire ensemble. Donc là, à l'heure actuelle, on a déjà un bel effectif, parce qu'avec nos trois clubs, on compte à peu près une centaine de licenciés. Mmh. Donc dans les catégories U10, U13, U18 et senior. Donc il faut savoir qu'en U13, on a même la chance d'avoir deux équipes. En U18, on a une équipe qui a un très bon niveau. Et enfin, dans les équipes seniors, on a divisé en deux équipes, une équipe à 8 et une équipe à 11, donc pour permettre à toutes les filles voulant pratiquer le foot de se retrouver dans une équipe qui correspond à son niveau et à ses attentes surtout. Donc le but de cette entente, c'est de se grouper et de faire force commune et de régner sur tout le bassin des Vosges. Donc on a même déjà donné un nom à notre ensemble, donc FFFVM pour Football Féminin des Vosges Méridionales, donc qui rassemble tous les clubs des Vosges Méridionales. Et du coup, on a besoin encore de moyens humains pour développer le projet, de moyens financiers et surtout de filles motivées et voulant rejoindre nos équipes. On disait hors antenne que ça fait pas longtemps que le football féminin est médiatisé aussi. Non, ça fait pas longtemps qu'il est médiatisé et il est encore pas forcément bien médiatisé et du moins pas à la hauteur des garçons. Même si le football féminin n'est pas médiatisé, on a pu voir un attrait énorme suite à la Coupe du Monde de 2018. Mmh. Beaucoup de filles ont voulu s'intégrer à ce monde beaucoup masculin encore, mais ont voulu faire leurs preuves. Et nous, on voit notamment avec notre catégorie U10, des filles très motivées qui font pâlir les garçons sur les terrains. Ça, j'aimerais bien voir ça. Ah, faut pas hésiter à venir. Nos filles jouent en championnat, avec les 8 ou 9 garçons les samedis matins. Donc là, c'est la trêve hivernale, donc elle ne rejoue pas tout de suite, mais elle joue dimanche en salle. Et contre les garçons, sur les terrains, tout se passe très bien, quoi. Au début d'année, c'était un peu compliqué, il faut le temps de connaître tout le monde, de reprendre des habitudes, parce que c'est des filles qui jouent en championnat fille l'année dernière, qui cette année, par manque d'effectifs féminins, se retrouvent à jouer avec des garçons. Elles ont très vite repris leurs habitudes, leur esprit de groupe, et puis ça roule comme sur des roulettes, hein. Elles sont géniales, nos petites. Et quand on dit U8, U10, ils ont tous 10 ans ou c'est jusqu'à 10 ans ? C'est jusqu'à 10 ans et pour les filles, c'est encore un peu différent parce qu'elles peuvent jouer jusqu'à un an au-dessus en fait, de leur catégorie. D'accord. Alors moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a le même temps de jeu que ça soit pour les petits et les grands ? Ah bah non. Non, c'est en fonction de l'âge, ils ont une taille de terrain et un temps de jeu qui correspond à leur âge, quoi. Parce que les tout-petits seraient vite fatigués avec... Ah bah oui. Je suis pas sûre que ce soit les plus fatigués. Ah bah non, c'est des piles à cet âge-là, donc... Des fois, on les arrête pas. Mais c'est vrai que le foot féminin, je rebondis sur ce que dit Salomé, le foot féminin, aujourd'hui, c'est le meilleur vecteur de développement d'un club, parce que les effectifs masculins stagnent. Je crois qu'il faut arrêter de genrer ce genre de sport, et que les effectifs féminins progressent. Mais pas suffisamment pour faire toutes les catégories dans un club. Et si on continue comme ça, les années à venir, ben, chacun aura une équipe de U13, une équipe de senior, une équipe de junior de son côté. Mais c'est pas très viable finalement. Et il y a des gens intelligents comme Christian, Armiremont, qui comprennent tout ça. Donc on se réunit entre présidents et le projet, c'est de proposer aux filles mieux, quoi. C'est-à-dire que d'avoir toutes les catégories dans l'entente. De pouvoir leur proposer des matchs intéressants, un championnat intéressant, un avenir pour le club féminin. Parce que si chacun reste de son côté, ça n'ira pas bien loin. On a des voisins qui sont attractifs, qui aussi ont des équipes féminines et qui aspireraient le bassin de nos joueuses. Et on veut leur proposer quelque chose, des classes foot comme les garçons, le meilleur championnat possible. Et je remercie tous ceux qui bossent sur ce projet des autres clubs et à Élois, comme Franck Valroff, qui est à l'origine de l'entente avec Saint-Nabor, un petit jumelage au début. Et vu que ça a bien fonctionné, on se voyait de proposer à l'ensemble du bassin de rejoindre une entente, quoi. On a ouvert la porte à tout le monde. Après, ont répondu ceux qui comprenaient le projet. Et je pense que le projet est très intéressant pour les filles et pour l'avenir et du foot féminin. Et puis il va que grandir, que prendre de l'ampleur. Et je pense sincèrement que les filles vont adhérer au projet et de plus en plus nous rejoindre, comme on le voit déjà. Alors d'un autre côté, hein, tous les clubs sont attachés à leur club. Hein, on est toujours attaché à ses couleurs, bleu et noir, à son village. On est tous un peu chauvin et attaché à nos racines. Mais là, il faut prendre un petit peu de hauteur et se dire que pour avoir des équipes mieux organisées et des effectifs, eh bien, il faut faire cette entente et que cette entente, c'est plus être la vitrine d'un club, mais être la vitrine d'une communauté de communes, quoi. Alors justement, pour les filles, est-ce que vous faites aussi des gros déplacements comme les garçons ? Ouais, on fait des gros déplacements. Après, c'est surtout l'équipe U18 et senior A11 qui ont des gros déplacements. Après, comme disait David, les moyens sont mis en place de manière égale aux garçons. C'est-à-dire que si les déplacements sont trop grands, les filles partent en bus. Et régulièrement, les filles partent en bus. Je dirais même parfois plus régulièrement que les garçons. Parce que, comme on dit, le vivier féminin est encore trop petit. Et du coup, ça nous amène à aller plus loin. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les différents entraîneurs qui dirigent les équipes ? Alors moi, je vais parler d'Arnaud Dubois, parce que c'est un ami d'enfance. Il est à l'origine du projet. Humainement, c'est une super personne. Et en tant que coach, encore plus, quoi. On lui fait entièrement confiance parce qu'il connaît son boulot et il a quand même sa fille qui est partie en élite à Nancy. Comme Fabrice Robin, son fils Milan, qui joue à Cholet. Donc on a quand même des coachs chez nous. On peut leur faire confiance parce que ce qu'ils ont su lui faire avec leurs enfants, c'est fort. Donc on peut, je pense, leur confier les nôtres. Donc voilà, oui, on a des parcours comme ça de jeunes qui c'est simple, l'élite à Nancy où est le fils de Fred Robin, c'est le seul Vosgien qui a été là-haut et c'était du FCE, quoi. On a une génération aussi de petits 11 qui a été champion des Vosges l'année dernière qui cartonne, j'ai encore vu jouer en salle le week-end dernier, voilà, on a une super génération encore de U11 qui arrive, donc c'est que de la satisfaction. Est-ce qu'un entraîneur, il peut entraîner plusieurs équipes ou pas ? Ah non, quand même, parce qu'il y a du boulot, hein. C'est 3 entraînements par semaine, 2-3 entraînements par semaine, match le week-end. En plus, Arnaud et les autres coachs participent à nos animations, donc c'est tous les week-ends. Donc non, une équipe, on est même en manque de dirigeants et de gens pour encadrer nos équipes, hein. On recherche toujours, par exemple en équipe B, on recherche quelqu'un, quoi. Vous parliez d'entraînement en salle, mais est-ce que c'est toute l'année ou c'est seulement l'hiver ou... Ah, c'est seulement l'hiver, on a à disposition du gymnase d'Éloie et puis les autres villes aussi organisent dans leur gymnase pendant la trêve du futsal. Vous faites des compétitions en futsal aussi ou pas ? Ah bah oui, il y a un gros tournoi à Éloie le week-end dernier, il y en a encore un ce week-end avec des équipes prestigieuses comme Strasbourg, Nancy, Thionville. Non, c'était un super tournoi ce week-end. Et le futsal c'est peut-être encore plus physique que sur un terrain je crois, parce que vu qu'il faut pas mal courir et... Je sais pas, Salomé, vous voulez dire quelque chose là-dessus ? Ouais, moi de mon point de vue, le futsal c'est différent en fait, c'est pas tant plus compliqué ou quoi, c'est plus technique le futsal, faut être plus posé mais réfléchir plus vite parce que le terrain est plus petit, mais aussi ça demande beaucoup d'aller-retour, beaucoup de courses, on n'a pas le temps de se reposer comme sur un grand terrain, donc du coup ça demande des changements plus rapides, c'est-à-dire qu'on a une équipe de 8 joueurs et même s'il n'y en a que 5 sur le terrain, ça tourne, on joue 2 minutes, on change, on tourne 2 minutes, on change. Ça se rapproche du handball. Ah oui, ça rentre, ça sort, ça... C'est les mêmes buts en plus. Comme c'est plus petit, ça doit être plus compliqué pour marquer aussi. Pas forcément. Ça dépend de chaque joueur, on va dire. Mais c'est sûr qu'il faut être plus précis. Est-ce que vous avez un terrain synthétique ou naturel ? Eh bien, on a les deux. On a un terrain en or, le stade Victor Tantoret, en herbe, avec une tribune de 350 places. Et on a un terrain synthétique qui se nomme aujourd'hui le stade Spiller, c'est un peu plus joli que stade synthétique. Mais malgré ces deux installations, on est quand même sur des plannings d'entraînement qui sont compliqués parce que 350 licenciés, ça fait beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes qui s'entraînent, vous avez dit, il y a beaucoup d'équipes. Et faire le planning d'entraînement est très compliqué, même avec ces deux terrains. Et aujourd'hui, on est en train de voir avec la commune d'Éloie sur le projet de rénovation du terrain synthétique qui a un petit peu vieillissant, quoi. Donc, on a besoin d'un terrain praticable quand il pleut. On a besoin d'avoir un terrain synthétique rénové, on espère, avant 2025, quoi. Et en tant qu'ancien joueur et joueuse, c'est quoi le plus agréable ? C'est jouer sur un terrain synthétique ou un terrain naturel ? Moi, la question ne se pose pas, c'est un terrain naturel. D'accord, pourquoi alors ? Parce que c'est pas forcément bien, mais quand on tacle, un terrain synthétique, ça fait beaucoup plus de mal qu'un terrain en herbe. Avec des petites binoires, c'est ça le terrain synthétique ? Oui, alors le problème des petites binoires, c'est qu'aujourd'hui, elles sont un petit peu remises en question sur le procédé qui a été fait à l'époque. Hein, ça reste quand même du pneu pulvérisé. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça correspond à une norme européenne où on n'est pas trop d'accord, quoi. Hein, ça devrait être de la norme bébé, quoi. Donc il y a de nouveaux terrains aujourd'hui avec soit ce matériau-là enrobé par une pellicule, voilà, ou avec des terrains en liège. Voilà. Donc ça a étudié pour avoir un terrain plus sain. Après, le terrain synthétique, la seule chose qui est bien, c'est que vous pouvez y jouer à n'importe quel temps. Oui, et puis c'est quand même moins d'entretien pour la commune de ne pas tondre, ne pas tracer les lignes. Enfin, faut reconnaître à la commune le boulot que c'est d'entretenir un terrain en herbe et un terrain synthétique, hein, parce qu'il y a aussi de l'entretien sur un terrain synthétique. Hein, il faut passer une machine pour séparer les grains, etc. Hein, c'est de l'entretien. Mais bon, c'est quand même plus facile un terrain synthétique, effectivement, pour jouer plus souvent. Et le terrain naturel, je crois qu'en hiver, c'est un ballon rouge, parce qu'un ballon blanc sur du blanc, c'est un peu compliqué. Oui, alors on voit plus trop la neige en ce moment, mais bon, voilà, après la trêve sert à ça. Hein. Pour ça qu'on joue en salle quand il fait froid. Et on reprend bientôt quand même. Donc comme l'hiver se décale un petit peu, oui, on risque d'avoir des intempéries, des matchs remis, hein, comme d'habitude. Quel genre de compétition se déroule à Éloie ? Eh bien, championnat de R2 pour les garçons et filles seniors. D2 pour la B, R2 pour les U19. Donc c'est quand même des équipes en R2 assez sympathiques, hein, des belles confrontations. Voilà, donc on est plutôt fiers de recevoir des équipes comme ça. C'est pour ça qu'on veut améliorer aussi nos installations, vu les clubs que l'on reçoit. On a un partenariat avec le RC Strasbourg dernièrement, qui nous laisse entendre qu'on peut avoir certains avantages et certaines équipes qui viendraient jouer chez nous grâce à eux. Et donc voilà, c'est un partenariat dont on pourra discuter. Bon, on pourra en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Mmh. Alors j'avais une autre question. Est-ce que vous avez déjà reçu des trophées pour une compétition ? Oui, plein. Sur l'histoire forcément du FCE, ben, y a eu de nombreux trophées. Dernièrement, donc champion... championnat de R3, champion de R3 l'année dernière, avec dans la même année la Coupe des Vosges de l'équipe B et les U11 champions des Vosges. Les U15 également. Les U15. Donc ouais, on a eu une très très belle année. Voilà. En même temps, on sortait de deux années de Covid un peu compliquées. On a repris le club en 2019. Hein. Deux années de Covid ont suivi où écoutez, on a eu le temps de s'organiser un petit peu et de ressortir de là plus fort. Et effectivement, dès la première année, on a eu tous ces résultats par une dynamique du club qui est un petit peu voilà un cop qui s'est mis à venir supporter l'équipe. Un parcours en Coupe de France, bah oui, ça on l'a pas dit parce qu'on a quand même fait le 8e tour de Coupe de France avec là tout un public des bus où on s'est déplacé à Magny. Il y a eu des déplacements et vraiment là c'est une histoire sympa quoi parce que humainement c'est une belle aventure pour les joueurs, pour le club, pour le public. Enfin on s'est tous pris au jeu quoi. Moi clairement avant que je reprenne le club, j'aurais trouvé 1000 excuses pour pas aller voir un match des Lois. Et aujourd'hui, je trouve 1000 excuses pour ne pas le rater, quoi. Et j'apprécie de voir jouer toutes les équipes des seniors masculins ou féminines, au petit U7, au petit U11. Enfin, chaque match est sympa, quoi. Est-ce que vous avez déjà reçu des grosses équipes comme la SNL, que ce soit pour l'équipe masculine ou féminine ? Oui, oui, on reçoit la SNL, on s'entend bien avec eux. Voilà, c'est un club quand même fanion de la région. Et on aime aller voir des matchs là-bas. Eux, bien sûr, on les reçoit. On les a reçus en féminine. En Coupe de France. En Coupe de France, voilà. On a organisé l'année dernière aussi la finale féminine du Grand Est. Et on a organisé l'Assemblée Générale de la Ligue du Grand Est à Éloi. Donc ils nous ont proposé de faire ça le matin et la finale l'après-midi. Donc là, c'était une journée assez marquante de l'année aussi, puisque c'était un grand rendez-vous et la première fois qu'on nous confiait une aussi grande finale pour le club. Alors j'avais entendu dire que les filles d'Éloi avaient gagné contre la SNL dernièrement, c'est ça ? Ou les garçons, je sais plus. Non, les filles ont affronté la SNL en Coupe de France et elles ont malheureusement perdu au tir au but. Ah, ça, donc, c'est cruel. Malheureusement ou pas malheureusement, parce que c'était un très beau match, elles ont fait un très beau parcours. Et c'est vrai que c'est une équipe, la SNL, qui est en R1, qui évolue donc un niveau au-dessus de notre équipe première. Mais les filles se sont très bien défendues pour une première contre une R1, on va dire. Et c'était vraiment un très beau match. Et je pense que c'est à la fois cruel, comme vous dites, et à la fois une satisfaction personnelle de perdre contre une si grosse équipe au tir au but. Les tirs au but, c'est un peu comme pile ou face, quoi. On croit que c'est facile, puis c'est une certaine pression pour celui qui tire et celui qui est dans les buts. Oui, mais ça nous a bien montré qu'on était capable de rivaliser avec une équipe de R1 comme la SNL. Donc je remercie aussi Joachim et Émilie, les coachs de l'équipe, et toute la famille Nigmanski en féminine, pour le boulot qui est accompli dans les entraînements, dans le championnat et dans le parcours en coupe, quoi. Ça ne fait que progresser. Est-ce que vous avez déjà eu des recruteurs qui sont venus voir un de vos footballeurs faire intégrer une équipe de professionnels ? Bah, je crois que c'est le jeu, hein, des équipes voisines de lorgner sur les éléments qui peuvent être potentiels. Donc bien sûr, oui. Mais c'est le but aussi de notre partenariat avec Strasbourg. Donc vous avez déjà eu des joueurs ou des joueuses qui sont devenus professionnels ? Bah oui, parce qu'il y a Milan Robin, il y en a d'autres qui vont certainement... puis des gens qui sont passés au FCE, oui. Vincent Boulanger, comme j'ai cité tout à l'heure. Fred Robin. Voilà, c'est tous des gens qui ont joué à des hauts niveaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre partenariat avec le RC Strasbourg ? Eh bien, ça a été mis en œuvre par Fabrice Robin cette année. L'objectif du partenariat, c'est qu'eux, ils aient un petit droit de regard sur nos joueurs à potentiel. Et en échange de ça, nous, ça nous permet d'aller former nos éducateurs à Strasbourg, chez eux. Ça nous permet d'avoir des éducateurs de Strasbourg qui viennent chez nous, qui regardent un petit peu comment on fonctionne. Et puis, bon, au-delà des petits avantages comme d'aller voir des matchs, d'avoir des maillots ou des lots pour notre loto, c'est vraiment une philosophie où ils sont venus nous voir et nous donner l'exclusivité sur les Vosges. On pouvait pas refuser, quoi. C'est quand même un des plus grands clubs de la région, c'est admirable. Et donc on débute cette année avec ce partenariat. Et par exemple, l'équipe de Strasbourg de U11 qui est venue au tournoi en salle dernièrement, et plein de petites occasions comme ça, quoi. Le RC Strasbourg qui est en Ligue 1, je crois, au milieu de tableau, il me semble. Oui. Une fierté pour le Grand Est. Oui. Un peu moins pour la SNL, pour le coup. Ah, la SNL, on les a connus mieux, mais moi, j'aime aller les voir jouer. Le jour où on a été voir Cholet, c'est quand même un très, très grand club. Nous allons faire deux pauses musicales avant de dire quelques mots sur le parcours de l'équipe de France à la dernière Coupe du Monde. Et nous parlerons ensuite de l'actualité du FC Éloi. On vous laisse avec Gala et Soprano. On se retrouvera juste après sur le 107. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more. Just want more and more freedom and love. What he's looking for? Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na na na na na na na na na na. We'll be right back.

sommes de retour sur les ondes de RGM avec David et Salomé. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, Orange Radio et Radio Line ou via l'application mobile Les Radios Associatives. Alors David, vous voulez nous parler de bénévoles et l'ancien président du FCLOA? Oui, tout d'abord, je voudrais rendre hommage à Patrick Pernet, mon prédécesseur, qui est décédé cette année, et à toute sa famille, parce qu'il a tenu le club pendant de nombreuses années. Il a été impeccable sur la transmission qu'il nous a faite quand on est arrivé. Donc, on a été tous un petit peu soufflés par son départ, et donc on voulait lui rendre un petit hommage. Et c'est quelqu'un qui est à l'initiative du foot féminin. On peut le rappeler et j'espère qu'on pourra lui rendre hommage en donnant le nom d'un tournoi féminin prochainement. Voilà. Et je salue d'ailleurs l'ancien comité avec quelqu'un comme Jackie Marley qui vient encore nous aider régulièrement, que je salue. Et puis effectivement, il y a quelques bénévoles emblématiques du club avec des histoires de famille, puisqu'on est une grande famille, avec Roger Didier, Nicole et Hubert qui sont un couple dans la vie et au club. Bébert qui joue encore en vétéran de temps en temps, mais qui est surtout quelqu'un qui fait du porte-à-porte pour les sponsors, sur les ballons de match, sur les affiches, les panneaux, et qui est juste incroyable. Et il y a une belle histoire aussi, c'est celle de Vincent à la buvette, qui, en fait, quand je suis arrivé au club, c'était son grand-père qui tenait depuis des années cette buvette, Marius. Mmh. Et Marius s'en est allé aussi, et Vincent a pris la suite, son petit-fils. Et donc on a appelé la buvette chez Marius, et c'est quand même une belle histoire que ce soit son petit-fils qui ait repris derrière lui cette tenue de buvette. Et surtout, Vincent fait un boulot extraordinaire. On vend des gaufres dans cette buvette. L'année dernière, il en a vendu 720. Quoi. Et j'ai entendu parler de Bébert. Il joue en vétéran, il est gardien, je crois, c'est ça, non? Ah non, il n'est pas gardien, Bébert. Il est sur le champ. Ah, d'accord. Il fait beaucoup de vélo aussi. Non, c'est un des bénévoles emblématiques du club. On en oubliera certainement quelques-uns aujourd'hui et on s'excuse, mais voilà, moi j'apprécie énormément. C'est des gens que je croise depuis tout petit dans le village. Et quand je suis arrivé au club, j'ai découvert ou redécouvert certaines personnes et aujourd'hui je suis ravi d'aller les retrouver au loto, au bal et aux différentes réunions structurantes du club qu'on fait ensemble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux pour cette émission, David? Ah ben, c'est en rapport avec le foot quand même, hein. Coupe du Monde, voilà, Zinedine Zidane. Non, je crois que c'est les chansons qu'on entend le plus souvent dans notre activité. Hein. Dont Freed from Desire, j'ai un accent anglais horrible. C'était la chanson que les footballeurs chantaient à chaque victoire de l'équipe de France. Donc, l'une des rares équipes détentrices du titre allait jusqu'en finale. On y a cru jusqu'au bout, hein. Pourtant c'était mal parti. Les Argentins ont gagné, mais c'était très intense, pour le coup. Vous voulez mon avis sur la Coupe du Monde, c'est ça? Voilà. Elle était très très bien organisée, tellement bien organisée qu'on a eu un super spectacle en finale qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Et je pense que les Qataris ont tout fait pour qu'on arrive à une finale France-Argentine. Et que c'était certainement l'année de Messi et qu'il est certainement venu au PSG pour jouer au PSG et certainement aussi jouer la Coupe du Monde du Qatar. Donc je trouve que c'est très très bien organisé, ouais. Il a tout gagné, je crois, du coup, Messi a un peu tout gagné. Il lui manquait plus que ça. Donc, je me demande vraiment pourquoi il a quitté Barcelone, le club où il avait tout et il avait tout gagné à Barcelone. Il aurait pu vivre une retraite heureuse. Je me demande pourquoi il est venu se faire chier au PSG. Et peut-être parce que c'était, un projet avec le Qatar. Ça doit être ça, parce que ça doit être les mêmes propriétaires du PSG que du Qatar. Donc, je redis, c'était super bien organisé. Après, pour Messi au PSG, peut-être que c'est pour faire gagner la Ligue des Champions. Ça fait tellement d'années qu'il trime pour l'avoir. Une petite passage, j'adore Marseille. De toute façon, dans tous les cas, pour la finale à la dernière Coupe du Monde, il y aurait eu une troisième étoile, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Manque de peau, ça n'a pas été pour nous. Mais ça s'est joué à très peu de choses. On a quand même vu du super spectacle. Hein. C'était quand même une super Coupe du Monde. Cette histoire de la faire en hiver, écoutez, moi je trouve que c'était pas si mal que ça, de venir se faire des matchs quand il fait froid. Là-bas, il avait l'air de faire bon. Non, je trouve qu'on a vu une belle compétition. Moi, je me suis éclaté pendant cette Coupe du Monde. Voilà. Et Mbappé, joueur du PSG, pour le coup. Mais il a vraiment du potentiel et je pense qu'on peut peut-être aller voir avoir cette troisième étoile par la suite, on verra bien. S'il continue comme ça. Bah, en France, oui, on peut quand même se réjouir d'avoir vu des joueurs comme Platini, Zidane, aujourd'hui Mbappé. C'est juste extraordinaire. Hein. Et lui, effectivement, à mon avis, il a le temps d'en gagner encore une. Mbappé qui est comparé à Pelé, qui nous a quittés dernièrement aussi, parce qu'ils ont à peu près le même style de jeu. Bon, écoutez, cette année, au niveau nécrologie, on ne pouvait pas faire mieux. Hein. On a perdu Elisabeth II, Pelé et Benoît XVI. Hein. Donc, dans l'ordre, la reine, le roi et le pape. Donc, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux en 2023. C'est tout des mêmes Maradona. Est-ce que vous avez organisé, par exemple, un repas entre licenciés pour regarder les matchs pendant la Coupe du Monde ou pas? Oui, le club House est ouvert aux matchs. En plus, ils étaient de bonne heure, donc c'était bien. Ça faisait pas trop de bruit après 22 heures pour les voisins. Donc, non, bien sûr, on propose aux jeunes qui ont envie de se réunir pendant les Coupes du Monde de venir au Clubhouse voir les matchs, bien sûr. Hugo Lloris a été le capitaine de l'équipe de France. Il a pris dernièrement sa retraite internationale. À votre avis, qui pourrait prendre sa succession? Pour moi, ça serait Varane. Varane dans les buts? Non, en capitaine. Ah. Après je crois que Didier Deschamps est le mieux placé pour en parler plutôt que moi, hein. Puis je crois qu'il va reconduire son mandat 2026 je crois. Voilà. Alors du coup on va revenir sur le FC Lloyd, vous avez organisé un loto le mois dernier, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'était une franche réussite, donc la veille au soir on avait la soirée des bénévoles avec la galette et donc on réunit tous nos bénévoles, on était 120. La veille au soir, et après on organise le loto une fois qu'on a mangé un petit peu, fait la fête, et le loto on a fait carton plein et on a fait beaucoup de lots à gagner comme chaque année, donc c'était encore mieux que l'année d'avant. Puis on proposait des barbes à papa, des pop-corn, de plus d'animation. Justement, il y avait quoi comme lots qui ont été mis en jeu? Trottinette électrique, téléviseur, congélateur, vélo électrique, la plage. Voilà. Vous organisez aussi un bal chaque année, je crois. Au mois de mai. Donc là, c'est ouvert pas seulement aux gens du FCE, hein, c'est ouvert à tous. Un repas et une soirée dansante qui va certainement changer un petit peu cette année. Est-ce que vous avez d'autres événements de prévus ou pas cette année, hormis le bal? Ah oui, des événements, on en a plein. Alors moi, je pense en premier au nouveau trail du FCE qu'on fait vers le mois de juin, juillet, ça dépend, on n'a encore pas fixé la date. Et donc, on a fait la première édition l'année dernière et on s'est bien éclaté, ouais, parce qu'on a fait des thématiques sur les pauses et on a vraiment passé une bonne journée et je pense que les gens qui marchaient aussi. Donc, on va renouveler l'expérience. Est-ce que vous mettez ça en place avec d'autres associations ou c'est uniquement avec la vôtre et vos bénévoles? Ben non, c'est uniquement nous, mais on est très ouvert aux associations des lois, on travaille avec la Jeune Garde, les Sans Pistons, la Fanfare, ils sont venus à la finale féminine du Grand Est, on collabore avec ceux qui sont gymnases aussi, hein, le tennis, la gym, donc non, on a une bonne entente avec les associations des lois. La pétanque, hein, puisqu'on est voisins. Ah oui, ben oui, oui, c'est vrai. Comment ça se met en place de tels événements comme le loto, le bal et le trail, etc.? C'est le boulot de Stéphane Schorp, hein, qui par exemple pour le loto, c'est lui qui a fait beaucoup de démarches de trouver des lots. Salomé qui bosse beaucoup à la communication de ce genre d'événements sur les réseaux sociaux. Et on était complet, donc on était plutôt ravis du résultat, quoi. Est-ce que vous avez de futurs projets avec le FC Lloyd? Je crois que vous en aviez pas mal, vous m'aviez dit tout à l'heure. Des projets sportifs, des projets... Pour tout, pour l'association, des projets sportifs On essaye d'améliorer le fonctionnement du club, l'encadrement des jeunes. On veut des éducateurs qui soient vraiment les meilleurs possibles au bord du terrain. Et j'ai un groupe d'éducateurs qui est vraiment bien. Je suis ravi que ce soit eux qui s'occupent des gamins, des seniors. Donc des projets, on a quelques-uns pour 2025, puisqu'on veut faire une grosse fête à l'occasion de ce centenaire. Et on est en train de finaliser le programme et les idées de cette année. Est-ce qu'on peut retrouver le FC Éloie sur Internet et les réseaux sociaux pour le coup? Est-ce qu'il y a un site Internet ou pas? Ah, c'est Salomé la spécialiste. Alors, un site Internet, je crois qu'il y a dû en avoir un, mais comme les équipes ont pas mal tourné, j'ai pas les accès du site Internet et de toute manière, je pense pas avoir les capacités de gérer ça. Mm-hmm. En revanche, tout ce qui marche actuellement, c'est les réseaux sociaux, on va pas se le cacher, c'est vraiment en vogue, quelque chose qui fonctionne bien. Du coup, on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram, où on retrouve toute l'actualité de chaque événement qu'on fait. Donc là dernièrement, on a eu le tournoi U11 le week-end dernier, durant lequel on a posté des stories, des posts, et puis ça fonctionne bien sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est aussi actifs sur le terrain que sur les réseaux sociaux. Bah, les réseaux sociaux, c'est l'avenir en somme. C'est l'avenir, mais faut pas en faire trop non plus. Oui, c'est vrai. Faut savoir doser ce qu'on fait, à qui on s'adresse et cibler le public. Alors vous êtes à la recherche de bénévoles, est-ce que vous voulez lancer un appel à nos auditeurs? Ah ben bien sûr, tous ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter au club pour venir nous aider, que ce soit parents de joueurs ou gens tout simplement amoureux du foot et du club ou de leur ville, quoi. Donc bien sûr, j'appelle tout le monde à nous rejoindre et à participer à nos événements et à prendre une licence, même si on ne joue pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, à vous, à l'association et au FC Éloie? Ben des résultats sportifs, hein, c'est ce qu'on cherche. On est un club amateur, mais on aime la performance, voilà, et on veut renouer avec des divisions qui étaient les nôtres et rayonner dans la région comme on rayonnait avant. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle d'Éloie, c'est pas que les Glastiriers, c'est aussi le club de foot d'Éloie qui est quand même reconnu dans la région. Voilà, quand on parle d'Éloie, on sait que le FCE est un club sympa et compétitif. Et du coup, Salomé, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et à l'équipe féminine d'Éloie? On peut leur souhaiter de se développer et de continuer à grandir et d'évoluer dans ses projets. Que tout se passe bien et tout va bien se passer. C'est ce qu'on vous souhaite. Alors, cette émission est maintenant terminée. David et Salomé, merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. C'était super sympa. Merci pour cette invitation. Quant à nous, auditeurs et auditrices du RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. C'était Laura. Bye tout le monde!